Bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Gemozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage, épisode 9, c'est maintenant. Tout de suite, une expression. Avoir le blues. Être triste, mélancolique. Le blues est un genre musical créé par les Afro-Américains aux États-Unis. Blues dérive l'expression blue devil, les démons bleus, qui signifie mélancolie, tristesse. Dans les pays de la langue anglaise, la couleur bleue a souvent la même connotation que le noir pour les francophones. Ainsi, to have the blues, équivalent à notre avoir les idées noires. On retrouve cette symbolique du bleu au Québec. On n'hésite pas à calquer des expressions anglaises en disant que j'ai le blues plutôt que j'ai le cafard. Alors le blues donne-t-il le cafard? Cette musique a bien une tonalité mélancolique caractéristique grâce à la note de musique abaissée, la tierce. C'est-à-dire plus grave d'un demi-ton que la note attendue. Les thèmes du blues sont souvent sombres. Chagrin d'amour, dépression, mais aussi esclavage, travail forcé, puis ségrégation raciale. Pourtant, le blues n'est pas une manifestation de désespoir, mais plutôt de solidarité, de revendication et de combat. En exprimant la mélancolie, la musique permet de s'en guérir dans une sorte de musicothérapie avant la lettre. Parmi les expressions évoquant la dépression, avoir le blues se place dans la gamme intermédiaire des émotions. La situation est grave, mais pas désespérée, puisqu'elle peut encore se mettre en musique. La musicothérapie, soignée par la musique. C'est ce que propose la musicothérapie, non seulement dans le cadre de maladies physiques, mais aussi pour stimuler les fonctions cérébrales. La musicothérapie n'est pas une découverte récente. On connaît depuis des millénaires les vertus de la musique pour les aider les personnes souffrantes. Dès le Xe siècle, le philosophe et médecin Persen Avicenne pensait qu'elle avait une influence profonde sur l'âme. Son contemporain Al-Farabi aurait aussi classé les différentes tonalités musicales selon leur effet sur le moral des malades. La musicothérapie en tant que telle est une institutionnalisée dans les années 1950. Le Centre international de musicothérapie créé en 1972 en France coordonne cette activité dans plus de 400 établissements. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alfred Nobel. Comment l'inventeur de la dynamite a-t-il créé le prix Nobel? Si je vous disais que le créateur du prix récompensant chaque année les bienfaiteurs de l'humanité est également celui de la dynamite, alors philanthrope ou pourvoyeur de mort? C'est justement l'ambivalence qui rongeait le plus connu des Suédois, Alfred Nobel. Dès sa naissance, en 1833, la vie confronte Alfred Nobel au défi. Sa famille doit faire face à des difficultés quand l'entreprise de son père fait faillite. Les Nobel décident de s'installer à Saint-Pétersbourg. Ce déménagement ne sera pas sans conséquences sur la vie d'Alfred, et donc par la suite de notre histoire. Dans la capitale impériale, le père Emmanuel Nobel, avec un I, montre un atelier de mécanique et travaille avec l'armée. Il convainc le tsar de l'utilité des mines navales pour assurer la défense des ports russes. Emmanuel avait juste, son invention sera déterminante dans la guerre de Crimée contre les Anglais. La famille Nobel s'enrichit, autorisant ainsi Alfred à fréquenter les meilleurs établissements pétersbourgeois. Il parle couramment le russe et le suédois, évidemment, mais aussi le français, l'anglais, l'allemand. Un vrai petit élève modèle. Son père décide alors de l'envoyer en Europe et aux États-Unis pour qu'il se perfectionne en chimie et en métallurgie, afin d'être apte à reprendre la lucrative affaire familiale. Ainsi, au gré de son tour du monde, Alfred rencontre l'inventeur de la nitroglycérine en Italie, Ascanio Sobrero, celui de l'hélice aux États-Unis, John Ericsson. Après quelques années passées à l'étranger, il rentre à la maison avec pour projet de reprendre la fabrique de son père. Mais la guerre touche à sa fin. Et c'est à nouveau la banqueroute pour les Nobel, qui s'en retournant en Suède à partir de là. Alfred s'attelle à développer l'usage de la nitroglycérine, en lui adjoignant divers produits pour la rendre moins dangereuse traumatisé par la tragédie de la mort de son frère cadet et des 4 collaborateurs tués dans l'explosion au sein d'une usine Nobel. Une horreur qui n'empêche toutefois pas vouloir continuer à fabriquer des explosifs. En 1867, en effet, il fait breveter son invention sous le nom de poudre dynamite, du grec dynamis, puissance. L'air est au croisement des tunnels et au percement des canaux comme celui de Suez et le marché de la dynamite explose. Grâce à son invention, Nobel devient l'un des hommes les plus riches de la planète. Marqué par les mouvements pacifistes et férus de belles lettres, il entretient notamment une relation épistolaire avec Victor Hugo. Contre les critiques au fond de lui, un marchand de mort, il lègue dans son testament sa fortune à des comités chargés de récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. Ce sera le prix Nobel. Si le plus prestigieux prix de la planète est remis depuis 120 ans dans toutes les catégories physique, chimie, médecine, prix littéraire, une semble cruellement absente. Les mathématiques. La légende raconte que la femme qu'il aimait le trompait avec un mathématicien, ce qui pourrait expliquer bien des choses. D'autres avancent une explication moins sentimentale. Un prestigieux prix existait déjà pour les mathématiques en Suède. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Amadou Décryptage, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Radio Gemozo. Passez une excellente journée sur nos antennes. Et moi, je vous dis bye bye.